Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast sur la grandeur et la décadence des Mérovingiens. Donc, nous avons vu qu'à la mort de Grimoald, maire du palais de Bourgogne et de Neustrie, ainsi qu'à la mort de Pépin de Hersalt, maire du palais d'Austrasie, Plectrude, la veuve de Pépin de Hersalt, écartant son beau-fils Charles Martel, qu'elle fait enfermer à Cologne, met sur le trône, met sur le siège de maire du palais, à la fois de Bourgogne et de Neustrie, mais aussi d'Austrasie, mais son petit-fils Théodahlt, un enfant. Les Neustriens, face à une pareille imposture de la part des Pépinides, décident de se révolter. À la mort donc de Childebert IV, Dagobert, dit le second, alors qu'il est en fait le troisième, si on inclut dans le comptage les rois austrasiens, devient roi. Son règne voit s'affronter donc dès 715, les Neustriens bourguignons d'une part, menés par le maire du palais Raganfroi, un noble Neustrien, allié du duc Frison et païen, horreur pour les chroniqueurs, Rabod, contre les troupes de Théodahlt et de Plectrude. Celle-ci finit par acheter la paix en payant une rançon très importante et garde un certain pouvoir en Austrasie. Mais Dagobert III meurt à 20 ans, en 715, est enterré à Choisy-au-Bac. Les Neustriens se choisissent alors un roi, descendant de Childéric II, nommé Daniel, destiné à la prêtrise. Et alors on attend que ce Daniel qui est tonsuré ait les chevaux qui repoussent pour le couronner. Une fois couronné, il monte sur le trône sous le nom de Chilpéric II. Sous son règne, Charles Martel est miraculeusement libéré de sa prison de Cologne et prend les armes, tente une première négociation avec les armées de Chilpéric II et de son maire du palais Raganfroi. Cette négociation se passe près de Liège, mais elle se révèle un échec. Une bataille s'ensuit, celle de Vincy en 717. Alors, c'est une bataille très importante puisqu'elle entraîne la suprématie de Charles Martel sur les troupes unifiées de Bourgogne et de Neustrie, et en fait la fin définitive de la domination du royaume de Neustrie et de Bourgogne. Mais cette bataille de Vincy, de 717, exploitée comme une grande victoire par Charles Martel, est considérée par les chroniqueurs ultérieurs comme une victoire à la Pyrrhus. Qui a permis tout juste de repousser les adversaires de Charles Martel vers Paris, sans véritablement changer les choses. Pourquoi est-ce que les chroniqueurs considèrent que cette bataille n'est pas vraiment une victoire? C'est parce que Charles Martel aurait ouvert les hostilités le troisième dimanche de Pâques. Une faute extrêmement grave pour des chroniqueurs qui sont en général tous des membres de l'Église. Mais Charles Martel exploite cette victoire, revient en Austrasie victorieux. Plectrude, sa belle-mère, accepte de lui rendre le trésor de son père, Pépin de Hersalt. Et Charles Martel décide de nommer Clotaire IV roi du Regnum Francorum. Clotaire IV est le fils oublié de Thierry III, ou peut-être un faux mérovingien. Nul ne sait. Pourquoi est-ce qu'il nomme Clotaire IV roi du Regnum en Francorum? C'est que pendant la bataille qu'il a opposée à Chilpéric II et à son maire du palais Raganfroi, eh bien, le duc d'Aquitaine s'est emparé de Chilpéric II et l'a pris en otage. Ainsi pris en otage, le duc d'Aquitaine espérait décapiter en réalité le royaume franc et empêcher en réalité les institutions de fonctionner. Mais finalement, on voit bien que les Pépinides considèrent que le règne des Mérovingiens touche à sa fin, puisque ce ne sont que des pantins dans leurs mains. Et ils trouvent un Clotaire IV pour le couronner à la place de Chilpéric II. Mais Clotaire IV ne dure pas très longtemps au pouvoir et meurt à Choisy-au-Bac en 718, à l'âge de 49 ans. Charles, qui occupe alors les fonctions de maire du palais, demande à Eudes, duc d'Aquitaine, de lui rendre Chilpéric II, son otage, en échange de ne pas l'attaquer. Eudes, en effet, rencontre quelques difficultés sur sa frontière sud avec le royaume wisigoth, qui tombe sous le coup des Sarrasins. Chilpéric règne jusqu'en 721, Il reçoit d'ailleurs les hommages du duc de Provence Moronte et est enterré, certains disent à Noyon, d'autres à Soissons. Thierry IV règne après Chilpéric II. Élevé à Chelles, il signe quelques diplômes, conforte le diocèse du Mans dans ses privilèges et meurt en 737 à 24 ans. L'importance du règne de Thierry IV, en réalité, ne concerne pas tant la personne du roi, Thierry IV, pas Henri IV, mais concerne plutôt Charles Martel. En effet, pendant ce règne, qui dure donc de 721 à 737, eh bien Charles Martel va consolider son pouvoir au nord de la Loire, comme au sud de la Loire, et il va acquérir une légitimité militaire incontestable, mais aussi une légitimité spirituelle renforcée, malgré quelques exactions contre les intérêts de l'Église, et au point qu'il va se demander s'il ne pourrait pas déjà prendre la couronne, subtiliser la couronne des mains des derniers Mérovingiens. Mais c'est ce que nous allons voir dans le prochain podcast sur en fait le dernier règne de Thierry IV et les derniers instants de la monarchie mérovingienne. Merci et à bientôt.